Lettre de Charles de Foucault à René Bazin. Monsieur, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu répondre à ma lettre, au milieu de tant de travaux, et si fraternellement. Je pourrais, m'écrivez-vous, vous dire utilement la vie du missionnaire parmi les populations musulmanes, mon sentiment sur ce qu'on peut attendre d'une politique qui ne cherche pas à convertir les musulmans par l'exemple et par l'éducation, et qui, par conséquent, maintient le mahométisme. Enfin, des conversations avec des personnages du désert sur les affaires d'Europe et sur la guerre. 1. Vie du missionnaire parmi les populations musulmanes. Habituellement, chaque mission comprend plusieurs prêtres, au moins 2 ou 3. Ils se partagent le travail qui consiste surtout en relation avec les indigènes, les visiter et recevoir leurs visites, œuvres de bienfaisance, aumônes, dispensaires, œuvres d'éducation, école d'enfants, école du soir pour les adultes, ateliers pour les adolescents, ministère paroissial, pour les convertis et ceux qui veulent s'instruire dans la religion chrétienne. Je ne suis pas en état de vous décrire cette vie qui, dans ma solitude au milieu de populations très disséminées et encore très éloignées d'esprit et de cœur, n'est pas la mienne. Les missionnaires isolés comme moi sont fort rares. Leur rôle est de préparer la voie, en sorte que les missions qui les remplaceront trouvent une population amie et confiante, des âmes quelque peu préparées au christianisme, et si faire se peut, quelques chrétiens. Vous avez en partie décrit leur devoir dans votre article « Le plus grand service » dans l'Écho de Paris, le 22 janvier 1916. Il faut nous faire accepter des musulmans, devenir pour eux l'ami sûr, à qui on va quand on est dans le doute ou la peine, sur l'affection, la sagesse et la justice duquel on compte absolument. Ce n'est que quand on est arrivé là, qu'on peut arriver à faire du bien à leurs âmes, inspirer une confiance absolue en notre véracité, en la droiture de notre caractère et en notre instruction supérieure, donner une idée de notre religion par notre bonté et nos vertus, être en relation affectueuse avec autant d'âmes qu'on le peut, musulmanes ou chrétiennes, indigènes ou françaises, c'est notre premier devoir, ce n'est qu'après l'avoir bien rempli assez longtemps qu'on peut faire du bien. Ma vie consiste donc à être le plus possible en relation avec ceux qui m'entourent et à rendre tous les services que je peux. À mesure que l'intimité s'établit, je parle toujours ou presque toujours en tête-à-tête du bon Dieu, brièvement, donnant à chacun ce qu'il peut porter, fuite du péché, acte d'amour parfait, acte de contrition parfaite, les 2 grands commandements de l'amour de Dieu et du prochain, examen de conscience, méditation des fins dernières, à la vue de la créature penser à Dieu, etc., donnant à chacun selon ses forces et avançant lentement, prudemment. Il y a fort peu de missionnaires isolés faisant cet office de défricheur. Je voudrais qu'il y en eût beaucoup. Tout curé d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc, tout aumônier militaire, tout pieux catholique laïque, à l'exemple de Priscille et d'Aquila, pourrait l'être. Le gouvernement interdit aux clergés séculiers de faire de la propagande anti-musulmane. Mais il s'agit de propagande ouverte et plus ou moins bruyante, les relations amicales avec beaucoup d'indigènes, tendant à amener lentement, doucement, silencieusement, les musulmans à se rapprocher des chrétiens devenus leurs amis, ne peuvent être interdites par personne. Tout curé de nos colonies pourrait s'efforcer de former beaucoup de ses paroissiens et paroissiennes à être des Priscilles et des Aquilas. Il y a toute une propagande tendre et discrète à faire auprès des indigènes infidèles, propagande qui veut avant tout de la bonté, de l'amour et de la prudence, comme quand nous voulons ramener à Dieu un parent qui a perdu la foi. Espérons qu'après la victoire, nos colonies prendront un nouvel essor. Quelle belle mission pour nos cadets de France, d'aller coloniser dans les territoires africains de la mère patrie, non pour s'y enrichir, mais pour y faire aimer la France, y rendre les âmes françaises et surtout leur procurer le salut éternel, étant avant tout des Priscilles et des Aquilas. 2. Comment franciser les peuples de notre empire africain? Ma pensée est que si petit à petit, doucement, les musulmans de notre empire colonial du nord de l'Afrique ne se convertissent pas, il se produira un mouvement nationaliste analogue à celui de la Turquie. Une élite intellectuelle se formera dans les grandes villes, instruite à la française, sans avoir l'esprit ni le cœur français, élite qui aura perdu toute foi islamique, mais qui en gardera l'étiquette pour pouvoir, par elle, influencer les masses. D'autre part, la masse des nomades et des campagnards restera ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, portée à la haine et au mépris des Français par sa religion, par ses marabouts, par les contacts là avec les Français, représentants de l'autorité, colons, commerçants, contacts qui trop souvent ne sont pas propres à nous faire aimer d'elle. Le sentiment national ou barbaresque s'exaltera dans l'élite instruite, quand elle en trouvera l'occasion, par exemple lors de difficultés de la France au dedans ou au dehors, elle se servira de l'islam comme d'un levier pour soulever la masse ignorante et cherchera à créer un empire africain musulman indépendant. L'empire nord-ouest africain de la France, Algérie, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale française, etc., a 30 millions d'habitants. Il en aura, grâce à la paix, le double dans 50 ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche, sillonné de chemins de fer, peuplé d'habitants rompus au maniement de nos armes, dont l'élite aura reçu l'instruction dans nos écoles. Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent Français est qu'ils deviennent chrétiens. Il ne s'agit pas de les convertir en un jour ni par force, mais tendrement, discrètement, par persuasion, bon exemple, bonne éducation, instruction, grâce à une prise de contact étroite et affectueuse, œuvre surtout de laïcs français qui peuvent être bien plus nombreux que les prêtres et prendre un contact plus intime. Des musulmans peuvent-ils être vraiment français? Exceptionnellement oui. D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent. Avec certains, il y a des accommodements. Avec l'un, celui du Mehdi, il n'y en a pas. Tout musulman, je ne parle pas des libre-penseurs qui ont perdu la foi, croit qu'à l'approche du jugement dernier, le Mehdi surviendra, déclarera la guerre sainte et établira l'islam par toute la terre après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui musulmans ou ses descendants. S'il est soumis à une nation non-musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il en sortira et triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve. L'oiseau pris au piège qui se débat perd ses plumes et se casse les ailes. S'il se tient tranquille, il se trouve intact le jour de la libération, disent-ils. Ils peuvent préférer telle nation à une autre, aimer mieux être soumis aux Français qu'aux Allemands, parce qu'ils savent les premiers plus doux. Ils peuvent être attachés à tel ou tel Français, comme on est attaché à un ami étranger. Ils peuvent se battre avec un grand courage pour la France, par sentiment d'honneur, caractère guerrier, esprit de corps, fidélité à la parole, comme les militaires de fortune des XVIe et XVIIe siècles, mais, d'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français. Ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mehdi, en lequel ils soumettront la France. De là vient que nos Algériens musulmans sont si peu empressés à demander la nationalité française. Comment demander à faire partie d'un peuple étranger qu'on sait devoir être infailliblement vaincu et subjugué par le peuple auquel on appartient soi-même? Ce changement de nationalité implique vraiment une sorte d'apostasie, un renoncement à la foi du Mehdi. 3. Conversation avec des personnages du désert sur les affaires de l'Europe et sur la guerre. Je n'en ai pas. Je n'ai jamais cessé de dire aux indigènes que cette guerre est chose sans gravité. Deux gros pays ont voulu en manger deux petits. Les autres gros pays, tels que les Anglais, les Russes et nous, leur font la guerre non seulement pour empêcher cette injustice, mais pour ôter à ces deux voleurs la force de recommencer. Quand ils seront bien corrigés et affaiblis, on leur accordera la paix. Cela durera ce que cela durera. Le résultat ne présente aucun doute et nous avons l'habitude d'aller lentement mais sûrement. Les gens de ce pays reculé sont d'une telle ignorance que tout détail supplémentaire les induirait en erreur. Ils ne comprendraient pas et se feraient des idées fausses. La manœuvre polonaise. Votre article sur la manœuvre étrangère dans l'Écho de Paris du 28 mai 1916 et ce que vous y dites avec tant de vérité des Polonais me porte à vous parler d'un ami qui a consacré sa vie à l'étude et au relèvement de la Pologne, sa patrie. Il travaille à la relever surtout par la pureté des mœurs, l'austérité de la vie et le renoncement à l'alcool. Voyant avec douleur beaucoup de Polonais partir annuellement pour l'Amérique où ils perdent leurs âmes, ils cherchent à détourner ce mouvement d'émigration vers la France et les colonies françaises du nord de l'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie. Depuis 3 ou 4 ans, il a fait parvenir des propositions à ce sujet aux autorités françaises d'Algérie et du Maroc, offrant de diriger sur ces pays des familles choisies de Polonais. Rien de ce qu'il a proposé n'a été exécuté jusqu'à présent. L'heure viendra peut-être bientôt de reprendre son idée et de l'appliquer non seulement à l'Algérie, à la Tunisie et au Maroc, mais aussi à la France. Les Kabyles. Comme vous, je désire ardemment que la France reste aux Français et que notre race reste pure. Pourtant, je me réjouis de voir beaucoup de Kabyles travailler en France. Cela semble peu dangereux pour notre race, car la presque totalité des Kabyles, amoureux de leur pays, ne veulent que faire un pécule et regagner leur montagne. Si le contact de bons chrétiens établis en Kabylie est propre à convertir et à franciser les Kabyles, combien plus la vie prolongée au milieu des chrétiens de France est-elle capable de produire cet effet? Les Berbères marocains, frères des Kabyles, sont encore par trop rudes. Ils sont pareils aux Kabyles quand, comme eux, ils ont 60 ans de domination française. Saint Augustin aimait la langue punique, parce que, disait-il, c'était la langue de sa mère. Qu'était la race de Sainte Monique, dont la langue était la punique, la race berbère? Si la race berbère nous a donné Sainte Monique, et en partie Saint Augustin, voilà qui est bien rassurant. N'empêche que les Kabyles ne sont pas aujourd'hui ce qu'étaient leurs ancêtres au IVe siècle. Leurs hommes ne sont pas ce que nous voulons pour nos filles. Leurs filles ne sont pas capables de faire les bonnes mères de famille que nous voulons. Pour que les Kabyles deviennent français, il faudra pourtant que les mariages deviennent possibles entre eux et nous. Le christianisme seul, en donnant même éducation, même principe, en cherchant à inspirer même sentiment, arrivera, avec le temps, à combler en partie l'abîme qui existe maintenant. En me recommandant fraternellement à vos prières, ainsi que nos Touaregs, et en vous remerciant encore de votre lettre, je vous prie d'agréer l'expression de mon religieux et respectueux dévouement, votre humble serviteur, dans le cœur de Jésus, Charles de Foucault.